dépense largement la quantité limitée. Bon. Bien, alors, donc je vais vous parler de Michel Héris, né en 1901, décédé en 1990. Bon, je pense que la matrice, il y a deux matrices de la pensée de Héris. Bon, une c'est l'école sociologique française, Durkheim, etc., Beauce. Bon, ça c'est classique. Mais l'autre est beaucoup moins classique, c'est le surréalisme. Héris a fait partie pendant plusieurs années du groupe surréaliste de Paris dans les années 20. Il les a quittés parce qu'il s'est fâché avec André Breton, mais comme beaucoup d'autres, comme presque tout le monde. Oui. Mais il dit je suis toujours, je n'ai jamais rejeté les surréalistes. Donc il a gardé une affinité avec le surréalisme. Et entre autres, ce qui l'attire dans le surréalisme, c'est ce que le surréaliste appelait le magique ou le merveilleux, qu'on trouve dans les cultures primitives ou dans les sciences occultes, l'astrologie, l'alchimie, des choses de ce type, bon, qui intéressaient beaucoup le surréaliste. Et bon, alors une chose, dans une interview qu'il a fait en 87 avec Jean Janin justement, il dit que c'est le surréalisme qui explique son itinéraire intellectuel parce qu'il représentait la rébellion contre les soi-disant rationalismes occidentaux et la sympathie pour le peuple dit primitif. Alors, ça a une dimension politique, parce que le surréaliste était très engagé dans l'anticolonialisme dès le début. Le premier texte de surréaliste était une dénonciation de la guerre du Rif contre Abdelkrim, un chef rebelle de la terre en Afrique du Nord. Et là, il y a un incident cocasse avec l'Héris. En 1925, les surréalistes sont pointés à Arc de Rue. On connaît déjà cette histoire. Désolé. On a presque fini. Hein, on a presque fini. On vient de finir. Donc, on aurait dû commencer. Donc, je disais, en 1925, il y a un banquet en hommage à un poète, Saint-Paul Roux, et les surréalistes sont présents, mais ils ont un scandale. Alors, ils font un scandale qui a différents aspects, et un des moments du scandale, c'est Michel Héris qui se pointe à la fenêtre, commence à crier à tue-tête, « Vive Abdelkrim ! Vive Abdelkrim !» C'était l'ennemi juré de la France. Alors, il y a une foule qui se rassemble, qui l'écoute, qui devient furibonde, et ils essaient de monter à l'étage pour le lyncher, ils s'échappent par une autre fenêtre, enfin, tout un incident. Bon, mais ça montre un peu cette attitude de anti-civilisation occidentale et identification avec le peuple dit non occidentaux, disons, dit primitif, etc. Mais il y a l'autre côté qui est l'intérêt pour les cultures, disons, primitive, entre guillemets, prémoderne, magique, en Europe aussi. Donc, par exemple, l'alchimie. Et un des premiers textes écrits par Léris en 1927, dans la revue des surréalistes, qui s'appelle La Révolution surréaliste, il écrit un compte-rendu d'un livre écrit par un astrologue et alchimiste anglais, John Dee, s'appelle la monade hiéroglyphique. Bon, qui date de 1600 ou quelque chose comme ça. Où il est question du merveilleux. Et, disons, de la magie. Et d'une méthode de pensée, qui est celle de l'alchimie et de cet auteur, John Dee. Une méthode de pensée parfaitement différente de la logique occidentale moderne. Donc on retrouve la même idée, hein. Il y a du côté des peuples primitifs et là du côté. côté de l'Europe prémoderne avec la Chine. Alors la chose curieuse avec ces comptes rendus publiés dans la revue La Révolution Suraine sur un livre d'alchimie et d'astrologie, c'est qu'elle figure dans le CV de Michel Leiris pour au CNRS, hein, pour demander sa promotion. Hein. C'est vraiment étonnant. Hein. Les rapports, titres et travaux qu'il a présentés au CNRS en 1967, ces textes figurent. Donc Leiris le considérait partie de son cursus scientifique. C'est très curieux. Hein. Bon, un texte n'a rien de scientifique, c'est un texte, disons, de enthousiasme pour l'astrologie, l'alchimie et pour une forme de pensée parfaitement différente de la logique occidentale. Enfin, c'est intéressant. Bien. Maintenant, les surréalistes s'intéressaient pour la magie, les merveilleux, et aussi pour les sacrés, mais dans les formes non religieuses du sacré, les sacrés magiques, les peuples primitifs, ou les sacrés dans la poésie. Alors il y a le livre d'un surréaliste qui s'appelle La poésie dans le sacré dans la poésie. Bon, mais aussi le merveilleux, la poésie, le sacré dans la vie quotidienne. Bon, alors ils allaient, disons, marcher aux puces, trouver un objet qui était un objet poétique, un objet magique, un objet merveilleux, un objet sacré qu'ils allaient trouver dans le marché. Bon, etc. Donc il y avait cette idée du merveilleux dans la vie quotidienne. Bon, alors, donc, Michel Leiris, en 1938, fait une conférence au Collège de sociologie, qu'il avait fondé avec Bataille et avec. Comment s'appelle l'autre ? Caillois. Voilà. Une conférence qui a été publiée un peu plus tard dans la Nouvelle Revue Française, sous l'an 38, qui s'appelle Les Sacrés dans la vie quotidienne. Alors là, on n'est plus dans l'astrologie, on est dans une tentative de pensée sociologique, puisqu'on est dans le collège de sociologie, enfin, une sociologie un peu spéciale. Mais, bon, c'est une conférence sur les sacrés dans la vie quotidienne. Ce qui correspond, comme je disais, un peu à l'attitude surréaliste, même si ce n'est pas exactement dans les termes dont tu vas utiliser Leiris. Alors, ce texte est très étonnant, très bizarre, pas très convaincant, il faut le dire, mais très provocant et insolite. Quoi. C'est un texte insolite. Alors, d'abord, il essaie de définir qu'est-ce que c'est les sacrés. Bon, il parle de l'école ukrainienne, bon, les sacrés, se les séparer, l'interdit, etc. Mais c'est aussi quelque chose de dangereux, quelque chose d'ambigu, de surnaturel. Bon, il n'a pas une définition du sacré, mais il essaie par différentes approches. Et à la limite, il n'arrive pas à définir. Il dit c'est un état cristallin. Bon, c'est une image, hein. Il n'arrive pas à définir. Il dit, c'est un état cristallin. Bon. Mais ce qu'il dit, ce que m'intéresse, dit-il, ce n'est pas les sacrés officiels, c'est-à-dire la religion, la patrie, la morale. Là, c'est tout à fait dans la ligne du surréaliste qui détestait la religion. Le surréaliste avait une haine ténache pour tout ce qui est religion instituée, le curé, l'église, bon. La patrie, n'en parle pas. Ce qui m'intéresse, dit-il, ce sont les faits très humbles, empruntés à la vie quotidienne. Et en fait, empruntés à son enfance. Alors, il fait, Jean Jamin, dommage qu'il n'est pas là, il dit, voilà, cette conférence, c'est une ethnographie de soi-même. Et c'est curieux, parce qu'il venait de rentrer d'une expédition en Afrique, dont je ne vais pas parler, parce que c'est un autre sujet, où il a écrit ces livres curieux sur les voyages en Afrique. Bon. Rien, dans la conférence sur le sacré Naïf, il n'y a rien sur l'Afrique, pas un mot. Il n'y a que ses souvenirs d'enfance. Et dans ses souvenirs d'enfance, il dit, qu'est-ce qui était sacré pour moi? Le chapeau haut de forme de mon père. ou alors les revolvers Smith & Wesson à barillet de mon père. Voilà quelque chose de sacré. Pourquoi ? Parce que c'était interdit, parce que c'était dangereux, parce que c'était séparé. Bon. Et il continue. Hein. Bon, il y avait un champ où il y avait des courses de chevaux. Il y avait une zone abandonnée autour des fortifications. Tout ça, c'est sacré. Il y a un mot, quand je l'entendais, le mot Rebecca, le nom de femme. Ah, il y avait un aura sacré. C'est bon. Bien. Alors, évidemment, on peut rester sceptique devant cette extension immodérée du domaine du sacré. Mais enfin, il y avait quelque chose d'intéressant. Il y avait une tentative de trouver le sacré. Là, on ne le voit pas d'habitude. Mais enfin, c'était vraiment pas très abouti, la conférence. On reste devant l'impression de quelque chose pas convaincant, disons, pour résumer. Hein. Mais au même moment, ou à peu près à la même époque où il donne cette conférence, il écrit cet article, il était en train d'écrire un cahier plein de notes, qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant que la conférence officielle. C'est cahier qu'il n'a pas publié, qui est resté dans son tiroir, jusqu'à ce que l'ami Jean Jamin ait la bonne idée de le sortir de je ne sais pas quel tiroir et le publier. Alors, je vais le faire circuler, parce que c'est très curieux, c'est comme ça. Hein, c'est présente comme ça. Plein de bifures, des rayures, qui ne veulent pas dire nécessairement à supprimer, mais on ne sait pas très bien quoi. Bon, et à côté, la Jean Jamin qui a traduit tout ça. Bon, alors je fais circuler, parce que c'est vraiment amusant. Et il y a un mélange de tout. Il y a des souvenirs d'enfance, il y a des poèmes, il y a des journaux, des histoires, et lardé de commentaires sociologiques, des analyses. C'est très bizarre. C'est un objet inclassable. Mais il y a, mélangé à cette masse de choses très diverses, il y a une réflexion sur le sacré qui est, à mon avis, très, très intéressante, très originale. Alors, bon, le livre s'appelle Le Cahier, il a mis comme titre L'homme sans honneur, notes pour le sacré dans la vie quotidienne. Il reprend le thème de la conférence. Vous allez voir que c'est un peu autrement. Alors, et au fond, ce qu'on trouve là, c'est une variante de la réflexion surréaliste qui est, disons, l'attitude surréaliste qui est de distinguer clairement le magique, le merveilleux et les sacrés profanes, les sacrés non religieux, du sacré religieux. Une distinction au couteau. Hein, c'est-à-dire la magie et les merveilleux sont valorisés poétiquement, le sacré religieux est damné. Hein, il est vraiment abominable. Hein, c'est l'infâme au sens de Voltaire. Bon, donc, il est un peu dans la continuation de cette attitude surréaliste. Mais, bon, en même temps, il y a du Durkheim dans tout ça. Hein, il y a du Durkheim, la séparation du sacré et du profane. Bon. Alors, là, il va essayer à nouveau de définir le sacré, mais il a un mal fou, bon, il n'est pas le seul. Hein. Il tourne autour du pot, bon, il essaie de lire. Alors, là, il y a une phrase qui a l'air d'être une définition, mais n'en est pas une. « Le sacré est un vaste ensemble de représentations attachées à des personnes, choses, lieux, etc. Et d'où découlent certaines règles. » Eh bien, enfin, ça s'applique à mille autres choses, ce n'est pas sacré. Alors, quelles sont ces représentations ? Bon. Alors, un peu plus tard, il dit « Je n'admets pour sacré que ce qui est, en quelque manière, rêvé à un aspect surnaturel. » Là, c'est un peu plus précis. Bien. Mais, ce qui est... Bon, ça, on est un peu dans la continuité de Durkheim, etc. Mais, ce qui est une des choses nouvelles, c'est qu'il insiste que les sacrés... Ce n'est pas la propriété d'un objet ou d'une chose qui est sacrée, c'est un rapport, et un rapport fluide. les liens seuls, dit-il, constituent les sacrés, dont l'objet n'est que le support. Les sacrés n'existent pas dans des choses ou des personnes, mais dans les rapports que j'entretiens avec certaines choses ou personnes. Ainsi, les sacrés restent fluides, n'est jamais substantialisé. Bon, ce qui est inexact, parce qu'il y a du sacré substantialisé. Donc, en fait, l'Héris reconnaît que le sacré peut se substantialiser, mais, donc, s'institutionnaliser, mais là, il perd son authenticité. Bon, nous allons revenir sur ça. Donc, au fond, ce qui l'intéresse, c'est la dimension subjective. Le sentiment qu'on investit dans quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans les sociétés modernes? Bon, il y a une perte du sacré et de la magie. Les deux choses sont associées. Perte du sacré et de la magie. Et il associe ça avec ce qu'il appelle la perte de l'honneur. Étrange, l'association sacrée, magie, honneur. Et alors il y a un passage que je vais citer où il essaie de résumer cette idée. L'homme sans honneur, c'est celui pour qui toute chose, ayant perdu leur magie, étant devenue égale, indifférente, profane, sont maintenant dépourvues de vertu, comme lui-même est maintenant sans honneur. Affranchi qu'il est de tout pacte, ne participant à quoi que ce soit de sacré, et faute d'aimer quiconque, il n'a droit à l'amitié d'aucun. Bon. Alors, il y a toute une série de termes désuets, on dirait sacré, magie, honneur, vertu. Bon. Des termes, on peut dire, prémodernes. Bon. Pour moi, tout ça fait partie de ce que je appellerais une critique de type romantique de la modernité. La rationalité moderne, la civilisation moderne. Dont le surréaliste partage, bien entendu. Bon. Donc il y a une espèce de message mélancolique. Hein. Nous vivons dans un monde, le monde moderne, civilisation bourgeoise moderne, qui a perdu la notion du sacré, de la magie, de l'honneur, de la vertu, etc. C'est ça le message fondamental de ces livres. C'est pour ça que ça s'appelle L'homme sans honneur. C'est une critique féroce et mélancolique, disons, de la modernité. Bon, mais revenons au sacré. Alors, donc, il y a d'abord la distinction entre le sacré et le profane. Et le profane est du côté de tout ce qui est indifférent, sans honneur, etc. Mais il y a aussi, à l'intérieur du sacré, une distinction au moins aussi importante entre les sacrés fluides et les sacrés substantialisés. Les sacrés effervescents, c'est un autre terme qu'il utilise, qui est durkheimien, entendu, et les sacrés institutionnels ou pétrifiés, c'est aussi son terme, qui est celui des religions. Les religions institutionnalisées, c'est les sacrés pétrifiés. Or, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il appelle les sacrés à l'état naissant, dans tout ce qu'on trouve, dans tout ce qui relève de l'effervescence collective, deux points, érotisme, danse, usage des toxiques, etc. En somme, tout ce qui tend à provoquer l'extase, à mettre hors de soi. Bon, là, on écoute un écho quand même du voyage en Afrique. Bon, hein, on écoute là un écho du voyage en Afrique dans cette description du sacré comme effervescence collective. Et il continue, je cite toujours, nécessité d'étudier les sacrés à l'état naissant plutôt que dans ses formes pétrifiées, entre parenthèses, religion, patrie, morale, etc., qui sont du sacré droit, dans la mesure même où elles sont codifiées et représentent donc l'ordre, la règle, la norme idéale. Alors il y a les sacrés droits et les sacrés gauches. Comme la main. Comme la main. Oui. Bon, comme la main, mais droit aussi, là, c'est à la fois dans le sens de droite et dans le sens de ce qui est législatif, ce qui est le droit dans le sens de la loi, hein. Bon, la norme, la règle. Et alors, où est-ce qu'on trouve donc le sacré naissant, le sacré fluide, etc. Eh bien, un des endroits privilégiés où on les trouve, c'est pas dans la norme, mais dans le contraire de la norme, c'est-à-dire la transgression. Et là, évidemment, on trouve l'ami bataille. Hein? Bon. Le sacré, le vrai sacré, n'est pas celui de la norme, mais celui de la transgression. Transgression, pardon. Et notamment le sacrilège. Rien de plus sacré que le sacrilège. Et c'est une idée des surréalistes et de, surtout de Bataille. Si les sacrés, je cite maintenant les Ris, si les sacrés ne se perçoivent jamais mieux que dans les sacrilèges, celui qui aime les sacrés doit commettre des sacrilèges. C'est d'une logique absolument de faire. Rapport avec l'extase, notion de transgresser, franchir un seuil. Tout ce qui est dépense se rattache au sacré. Bon, ça, c'est du Bataille. En d'autres termes, on est vraiment au cœur du sacré que quand on tente de, je cite Léris, violer les tabous, forcer la porte, oser entrer dans les sacrés. Bon. C'est Durkheim, mais ce n'est pas Durkheim. Enfin, Durkheim insiste sur la séparation, l'interdit, etc. Mais Léris dit oui, justement, il faut transgresser l'interdit. C'est ça le vrai sacré. Tandis que les respects de la norme, du sacré, on a perdu l'essentiel. Bien. Alors, l'autre. Cette distinction, il l'approche par différents termes, par différents concepts, et toujours il essaye de donner forme à cette séparation, cette dissociation entre les deux formes du sacré. Alors, une autre forme de distinguer, c'est d'opposer ce qu'il appelle les sacrés incandescents aux sacrés froids. Alors, les sacrés incandescents, c'est lui, fluide, etc. Extase, transgression. Les sacrés froids, c'est celui de la religion. Ou alors, les sacrés instantanés et les sacrés qui s'installent dans la durée. Alors, les sacrés des transgressions, les sacrés fluides, c'est quelque chose c'est dans l'instant. Hein, c'est. Alors, c'est. Ça ne peut être, dit-il, que le jaillissement d'une étincelle. Alors, dans l'étincelle, on a à la fois la chose instantanée, la chose éphémère, et la chose qui brûle, hein, la chose qui est incandescente. Or, donc, les sacrés incandescents, c'est comme une étincelle, mais quand cette étincelle s'est refroidie, on tombe dans l'état religieux où tout se trouve galvaudé. Tout se trouve galvaudé. La religion, c'est le maximum du galvaudage. Voilà. Donc, voilà, cette dichotomie. D'une part, il y a les sacrés fluides, mouvants, chauds, incandescents, virulents, c'est notre terme qu'il utilise, neufs, et sauvage, je dirais. Lui n'utilise pas le terme de sauvage, mais je pense que ça s'applique ici. Sauvage. Et de l'autre côté, le sacré froid, glacé, domestiqué. C'est pour ça que je dis sauvage, parce que lui, il emploie le terme domestiqué pour le sacré religieux. C'est le sacré domestiqué qui s'incarne dans les religions et leur rite refroidi et figé. Et ce qui nous intéresse, dit-il à nouveau, c'est les sacrés neufs, luisants comme un sou neuf. C'est une drôle d'image. On a du mal à imaginer sacré, un sou neuf, et doué de la même virulence que l'hydrogène naissant. Oui, aussi. C'est explosif, l'hydrogène naissant. Quand on le mélange avec quelque chose, oui. Voilà, ça va être explosif, ça va prendre feu. Et, ajoute-t-il, c'est un sacré de cette espèce, donc neuf, explosif, incandescent, qu'il s'agit de surprendre. Et c'est pourquoi on est obligé de le chercher en dehors de ce qui est religion. C'est-à-dire, ah voilà, voilà les sacrés, les vrais. Voilà les vrais. Bon, il brille, hein. On l'a trouvé. Tu l'as bien frotté. Ah, mais c'est dans la rue, frotté par une centaine de voitures. Ah oui, alors c'est doublement sacré. Ça résiste un petit peu. C'est un Zimmel ? Non. Aucune référence germanique. Tu as trouvé aucune des cordes. Ah, moi, je ne connais pas. Non. Ça, non. Devant la tour Eiffel. Pas la pardon ? Il n'y a pas la même. Je ne sais pas ce qu'il disait, en tout cas, je ne sais pas. Hein? Parce donc, que c'est le même mot. Il y a des choses. On pourrait essayer de faire comparaison avec lui-même. Oui. Oui. Bon, mais je continue. Alors, donc. Toujours cette dichotomie, vraiment tranchée, complètement tranchée. Et il y a une autre formule qu'il utilise. Le vrai, ce qu'il faut capter, c'est les sacrés secs, maintenant les secs, transparents, hors des vapeurs d'église ou de la puanteur de la religion. Religion, entre guillemets. Voilà, donc on est en plein anticléricalisme de surréalisme. Hein. Bon, en plein anti-religion, anticléricalisme. Je pense que Bataille partage ça aussi. Bon, maintenant, voilà, je dirais donc pour conclure. Ah oui, juste une petite parenthèse, dans la. Beaucoup plus tard, dans les années 80, il y a un dialogue entre Léris et un autre ancien surréaliste, il s'appelle Jean Schuster. Et Léris lui dit, j'ai toujours été anticlérical à mort, mais j'ai changé d'avis. Pourquoi ? Parce que pendant la résistance, j'ai rencontré des prêtres qui étaient des résistants. Et après, pendant la guerre d'Algérie, des prêtres anticoloniaux. Donc, j'ai changé d'avis. C'est ça. Mais bon, disons que dans le texte là, il y a cette dichotomie, hein, disons, complètement radicale. Hein. Bon, alors, donc voilà, on peut ne pas partager évidemment cette mépris profond pour la religion de Léris, qui est la religion institutionnelle, disons, traditionnelle, mais je pense que cette idée d'un autre sacré, qui n'est pas celui de la religion, qui se trouve ailleurs, qui est transgressif, qui est sauvage, qui est non institutionnel, etc. Ça, c'est vraiment une idée intéressante. Vraiment une idée intéressante. Et c'est une innovation, disons, par rapport au classique, au Durkheim, etc. Il apporte quelque chose de nouveau. Et c'est une façon de analyser un sacré. Hors religion, ou dans la vie quotidienne, etc., d'une façon beaucoup plus intéressante que dans la conférence célèbre du collège de philosophie qui tâtonnait et qui n'arrivait pas vraiment à convaincre. Tandis que là, on obtient quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Bon, je pense que dans ces matériels-là, il y a un apport intéressant aux sciences sociales et religieuses. Est-ce qu'on fait on enchaîne ou bien oui, il y a peut-être quelques points quand même sur lesquels on peut. On a le temps. Hein. Bien, est un autre spécialiste, Léris. C'est un autre versant. Oui, justement, c'est ça la question que je voulais poser. Parce que, au fond, ce que tu décris là, c'est un Léris dans une conception du sacré tout à fait en phase avec Bataille et Caillois. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire le secret d'effervescence, le secret de transgression. Est-ce que précisément le versant africaniste, assez long, ne l'a pas amené à une autre perception des questions religieuses, entre guillemets? Alors, c'est assez contradictoire, parce que l'Afrique fantôme, c'est un compte-rendu, c'est un journal, c'est un journal de... c'est son journal intime, hein, tenu pendant toute l'expédition Dakar-Djibouti, entre 31 et 32, 18 mois si j'ai bonne mémoire, publié en 34. Alors, tout ce que vient de dire Michael est postérieur à ça, donc postérieur à son enquête de terrain chez les Dogons et surtout en Éthiopie, dont ensuite il fera des textes académiques sur les questions de possession et de langue sacrée initiatique. Voilà. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les textes auxquels fait référence Michael ne sont pas du tout informés par l'expérience africaine. D'abord, il n'y a pas de référence empirique du tout à ces questions-là. Il faut dire qu'au moment où il rédige... L'homme sans honneur, ce qui fait, enfin, ça me fait penser à l'homme sans qualité, mais ouais. Bien sûr. Mais donc l'homme sans honneur, c'est aussi le moment où il écrit tous ses textes autobiographiques, où il commence. Hein, l'âge d'homme, c'est le même moment. Donc, il a la tête pleine de ses références personnelles. Et d'ailleurs, ce texte a été reproduit dans le volume de Pléiade, hein, Michael. Je ne sais pas si tu as vu. Donc dans la règle du jeu, on trouve en appendice ce texte-là. Avec toutes les différences. Non. C'est drôle. Non, c'est beaucoup plus drôle, oui. Bien sûr. Alors, je dirais que ces textes sur l'Afrique, hein, c'est une espèce d'expérimentation du sacré en acte, sans que le concept apparaisse, hein, parce que c'est... c'est pas du tout conceptualisé, l'Afrique fantôme, mais Léris illustre cette définition du sacré qui sera formalisée un peu plus tard là-dedans comme relation subjective. Et il y a autant dans ces descriptions ethnographiques de scènes de possession en Éthiopie, il y a autant de descriptions de ce qu'il voit que de descriptions d'état subjectif de ce qu'il ressent. C'est en permanence, à longueur de page, à la fois ses états d'âme et son observation quasiment clinique de ce qu'il voit. C'est une combinaison permanente de ces deux aspects qui illustrent cette conception du sacré comme relation et comme instabilité. Puisque très souvent dans l'Afrique fantôme, Léris raconte que il est fasciné par ce qu'il voit, puis le lendemain il dit mais ce qui se passe dans ce temple des arts. Les arts sont des esprits qui descendent et qui se possèdent surtout les femmes. Ça ressemble furieusement à ce qui se passe dans les bordels à Paris. Et donc il y a des pages où il décrit ces temples de arts comme des bastringues. Qualifiant ces femmes qui sont des prêtresses de prostituées, avec le modèle des prostituées sacrées de l'Antiquité. Et donc sa perception, ça aussi, en ça aussi les bataillens, déjà des 34, c'est une perception du sacré qui est très transgressive et qui est transgressive sur un mode sexuel. Le sacré est toujours associé à la sexualité, parfois même violente et destructrice, hein, sadienne. Dans ses textes autobiographiques, il y a beaucoup une obsession pour Lucrèce et Judith. Lucrèce qui se suicide et Judith qui coupe la tête de Holoferne, c'est un mythe récurrent dans toute son œuvre autobiographique. Mais ça a bien sûr une dimension biblique là-dedans. Et puis c'est un certain type de rapport au sacré partagé avec Kaiwa et avec surtout Bataille. Alors, y a une autre chose, c'est que ces références au monde au sacré brillant, quasi minéral, pur, etc., c'est quelque chose qu'il a de commun avec Taïwa, qui lui aussi est fasciné par les pierres, par les pierres précieuses, par les gemmes. Donc c'est aussi il y a une espèce de parenté intellectuelle entre ces trois individus, on dirait post-durkheimiens et post-surréalistes aussi, exactement, oui. Pour la petite pièce qui brille, peut-être. Ça. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de commun à ces trois individus, au milieu des années 30, on va dire. Espèce de durkheimisme qui tend vers l'irrationalisme. Voilà. C'est un durkheimisme. Tous ces gens fréquentent Mauss, le séminaire de Mauss au Collège de France. Ils tirent de Durkheim quelque chose qui n'est pas du tout positiviste et pas du tout sociologique au sens académique du terme. Alors, pour dire encore quelques mots sur Léris et son œuvre d'anthropologue professionnel, donc l'Afrique fantôme, c'est pas un texte académique du tout, mais au retour d'Afrique, retour de l'expédition Dakar-Djibouti, Léris rentre enfin un poste au Musée de l'Homme, où il devient chargé de recherche chargé des collections Afrique du Musée de l'Homme. Et à partir de là, eh bien, il commence à avoir une trajectoire aussi académique, en plus de tout son œuvre poétique et autobiographique. Mais il publie à partir de cette époque-là, après l'Afrique fantôme, des textes qui sont des textes d'anthropologie tout à fait universitaire. Et sur la religion en particulier, il y a deux grands textes, surtout le second, mais la langue sacrée des Dogons de Sangha, c'est 48. Là, c'est une sorte d'anthropologie religieuse de la langue, une anthropologie religieuse ou linguistique de la religion, enfin comme vous voulez, sur les caractéristiques d'une langue sacrée. Ça, c'est un texte très intéressant, moins révolutionnaire évidemment que l'Afrique fantôme, ça va de soi, mais l'Afrique fantôme n'a pas un statut de texte scientifique. Hein. C'est pas un texte qui rentre dans le canon des études anthropologiques de la discipline. Hein. C'est pas du tout. C'est un texte tout à fait particulier, sui generis. L'Afrique fantôme anticipe de ce qu'on appelait le virage critique des années 80, le virage textualiste avec Jim Clifford, alors anthropologie comme littérature. Mais à l'époque, c'est un ovni complet. Alors, la langue sacrée des Dogons de Sangha, c'est un texte académique, c'était un relevé de sorte de poème que les Dogons, qui appartiennent à une société initiatique, profèrent, des sortes de poèmes de prière qu'ils utilisent pour se parler entre eux, pour parler aux dieux, enfin aux esprits. Et c'est un langage qui n'est pas le langage ordinaire. C'est un langage qui ne dénote rien, mais qui connote tout, c'est-à-dire qui n'a pas de référent clair. Certains mots n'ont pas de définition dans ce langage, ils sont utilisés dans des phrases qui n'ont pas de référent empirique, on ne sait pas de quoi on parle, mais c'est justement pour ça que c'est un langage sacré, parce qu'on s'adresse à des entités qui n'existent pas pour les sens, voilà. Donc, qui existent ailleurs, mais et donc pour leur parler, il faut parler un langage qui n'a pas de référence empirique. Et bien entendu, c'est en affinité élective majeure avec la poésie surréaliste, le type de poésie pratiquée par Léris, qui n'a pas non plus de fonction dénotative. C'est pas de la poésie classique, c'est une poésie du langage qui s'affranchit aussi de la référence empirique. Donc il y a évidemment un goût de Léris, enfin d'intérêt majeur de Léris pour ce type de langue. Et donc son anthropologie de la religion, c'est aussi une anthropologie de la langue en l'occurrence. Bon, si vous prenez ce texte, vous voyez qu'il y a des traductions, enfin des essais de traduction. transcriptions, puis des essais de traduction. Il a été aidé par, un vieil initié sur place. C'est un texte très, très académique, en fait. Hein. Tout à fait dans le genre de ce qu'on fait à l'INALCO. C'est tout à fait ce genre-là. Et puis, en 58, il y a son grand texte sur, qui est un texte d'anthropologie qui a une grande dimension théorique très importante, c'est les aspects théâtraux de la possession par les arts en Éthiopie, dans le Gondar. Alors là, c'est un texte qui reprend le dossier éthiopien avec des données de terrain des années, donc des années 31-32. Qui complète le dossier qui était déjà abordé dans l'Afrique fantôme, sans mettre en avant ces aspects subjectifs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas du tout un étalage de subjectivité. Là, c'est une présentation tout à fait objective et distanciée hein, de la possession par les arts dans cette région. Mais c'est un apport majeur à l'anthropologie de la religion dans la mesure où la religion n'est pas fonctionnalisée. Je m'explique. Léris refuse toute approche qui réduirait ce phénomène de possession à ses fonctions sociales. Léris est tout à fait conscient qu'il y a une dimension thérapeutique, c'est-à-dire qu'on soigne les gens pendant ces cultes des arts, qu'il y a une dimension... qui a une dimension économique, puisque c'est aussi un lieu où il y a des professionnels qui sont payés pour accomplir certains rituels, qui a une dimension politique, puisque ces femmes ont du pouvoir, elles sont les chefs de culte. Hein. Donc toutes ces dimensions, je dirais, ces finalités du culte, ne doivent pas être précisément, pour Léris, conçues comme des finalités. C'est-à-dire, la possession par les arts n'est pas un moyen d'accomplir autre chose que cette activité de représentation théâtrale, dramaturgie, ces aspects théâtraux. Et à vrai dire, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que toutes ces fonctions, entre guillemets, ne sont que des prétextes à une activité de divertissement, une activité de fictionnalité qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire, on joue et on se prend au jeu. Voilà ce que c'est que la religion dans ce contexte. Il n'y a pas de visée performative ? Ah, on peut appeler ça du performatif, même si ce n'est pas le terme qui est utilisé. Mais c'est surtout que ça inverse l'approche aussi bien marxiste que fonctionnaliste de la religion. Puisque c'est pas du tout... On pourrait dire que, que la possession par les arts est une finalité sans fin. C'est-à-dire on joue... Mais on ne joue pas pour quelque chose d'autre que pour ça. C'est en affinité avec le divertissement, avec l'art, avec le théâtre. Pas plus qu'on ne va voir une comédie pour des raisons politiques, thérapeutiques ou quoi que ce soit. On se rend chez les arts parce que c'est une activité de représentation esthétique. Mais qui est plus que du théâtre, hein, puisque c'est du théâtre vécu. Donc les gens jouent et se prennent au jeu. Et c'est non seulement anti-fonctionnaliste, anti-marxiste, mais c'est aussi anti-structuraliste. Il ne s'agit pas d'établir une homologie entre ce qui se passe chez ces prêtresses et une structure sociale ou même une structure symbolique. Non, c'est dans la performance que se réalise l'entièreté, la totalité du faire du jeu. Donc c'est un texte qui a une forte parenté avec d'autres textes publiés la même année d'ailleurs, que sont le Vaudou haïtien de Métro, le Candomblé de Bahia de Bastide, et juste après, c'est-à-dire 2 ans plus tard, ou 3 ans, très peu de temps après, le Desmartino et la Terre du Remords, hein, ce qui porte sur cette fois le tarantisme dans le sud de l'Italie. Mais dans le tarantisme, dans le Desmartino, faisant référence à tous ces textes-là. Donc il y a une forme de parenté, enfin plus qu'une parenté, une espèce de conjoncture, de moment 58. Hein. Constellation. Oui, constellation, c'est exactement ça, c'est une constellation. Un moment 58 hein, qui est un moment fugitif, anti, qui est un moment pas, c'est pas du tout lévi-straussien, anti lévi-straussien, mais qui n'a pas c'était une étincelle face opposée à un bulldozer, hein, c'est bulldozer structuraliste ayant tout balayé pendant 15-20 ans. Voilà. Alors Luc de Heuch, puisque vous m'avez demandé de parler de Luc de Heuch, j'ai été frappé. Non, vous voulez arrêter? Oui, enfin, il y avait d'autres questions autour de Lévis. Oui. Parce que tu fais référence à Lévi-Strauss, il a été question de Mauss au passage. Le texte de Lévi-Strauss sur Mauss. 950. C'est pas inintéressant dans la chronologie. Oui, 1950, c'est l'introduction à l'œuvre de Lévi-Strauss. De Mauss, pardon, Mauss, pardon, c'est 1950. Avec un avant-propos de Gurvitch, et donc c'est un autre, c'est pas du tout le Mauss de Léris, de Caillois et de Bataille. Justement, rien justement à voir. Il y a une espèce de doxa qui va s'installer avec. Oui, avec mais cette affaire est très compliquée parce que d'un autre côté, Mauss serait peut-être à moitié oublié aujourd'hui s'il n'y avait pas eu sociologie anthropologie avec une introduction de Lévi-Strauss, puisque les textes étaient dispersés. Publié dans des revues, dans l'année sociologique, dans le journal de psychologie, etc. Donc, effectivement, Lévi-Strauss préface, fait une introduction pour le texte de Mauss, définit une lecture qui va faire autorité jusqu'aux années, jusqu'au début des années 80. Et puis, à partir de là, il y a une réévaluation, une relecture de Mauss. Dans les années 80, de différents points de vue. Il y a la relecture de Bourdieu, il y a la relecture de Caillé, donc le mouvement de sciences sociales. Donc toute une série de réévaluations qui passent par une critique du structuralisme. À partir de fin des années 70, début 80, on s'en prend à Lévi-Strauss et en même temps on relie Mauss autrement. Le Mauss politique, le Mauss alternatif par rapport à la science économique, à propos de laisser sur le vent. Enfin bon, ça serait autre chose. Et Léris, depuis son bureau au musée de l'homme, suit tout ça. Comment Léris, il suit ça il... Ben, il suit le musée, il était encore dans son bureau jusque dans les fins des années 80. Oui, non. Il meurt en 90. 10, ah bon. Dans les années 80, oui. En tout cas, il a une activité scientifique. Son activité scientifique, elle culmine, elle s'achève à la fin des années 60. Dans les années 60, un autre texte, mais qui ne touche pas à la religion, qui est une histoire de l'art africain. Alors, il y a un grand volume présentation, d'analyse des formes classiques de l'art africain. C'est un texte d'une folle originalité. C'est une espèce de grand compendium, d'une sorte de d'encyclopédie de l'art africain, traditionnel, entre guillemets. Donc Léris n'aimait pas beaucoup l'art africain contemporain. C'était les objets qu'il avait collectés pendant la mission de la carte du midi. C'est un texte pas inintéressant, mais un peu figé quand même. Hein. C'est l'histoire de l'art des années 60. Non, pas du tout. Non, absolument. Non. Je voulais juste ajouter une chose sur ce que j'avais dit. Simplement, il ne faut pas croire que Léris a formulé une théorie du sacré d'une façon. Tout ça, c'est des choses dispersées au milieu d'un souvenir d'enfance, d'un morceau de poème. Enfin, j'ai essayé de ramasser les morceaux et essayer de reconstituer quelque chose, mais ça ne se trouve pas comme ça. C'est celui qui fait une présentation systématique de ces intuitions-là, c'est Caillois dans l'homme et le sacré. Exactement à la même époque, c'est publié en 1939. Donc ils étaient ensemble, ils avaient fait le collège de sociologie avec Bataille en même temps. Ils réfléchissaient tous en même temps, mais Caillois a une formation académique qui est beaucoup plus réglée. Il est agrégé de grammaire, normalien, c'est pas du tout le même style. Hein. Même s'ils s'intéressent aux mêmes choses, mais ils n'ont pas la même. Ils ne prend pas le même style. Voilà. Non. Alors justement, que tu parles d'entrée, là, moi, je reviens à mes affaires, comme on dit en yiddish, tarles, c'est-à-dire pratique. Pour finir sur l'iris, oui, je peux dire juste un mot. Oui, tout à fait. Je crois que c'est aussi un écrivain, et bon, c'est pas la parenthèse ou le non-dit d'une réflexion sur l'iris et le sacré. Voilà, c'est une première chose à prendre en compte. Il y a quelque temps, il y a une dizaine d'années, j'avais tenté, dans cet ouvrage sur littérature et sciences sociales, d'essayer de voir ce que l'investissement dans l'ethnographie apportait à sa règle du jeu, enfin en tout cas à son autobiographie, puis à son statut d'écrivain, et inversement ce que le statut d'écrivain apportait à son cursus académique au sein de l'ethnologie. Alors évidemment, il faudrait tout un séminaire là-dessus, c'est extrêmement compliqué, puisqu'on est face à un puzzle d'interférences, à la fois sur les modes d'écriture, mais aussi sur les objets qui se renvoient en écho. Je voudrais seulement signaler que s'il y a un travail à faire sur le sacré, il y a cette notion d'ambivalence qu'il faut mettre en avant, et qui est une ambivalence de type vécu dans le cadre de l'iris, qui est quand même le prototype de la division de soi, puisqu'il disait que pendant des années, le matin, du côté des grands Augustins, il était écrivain, et que l'après-midi, du côté du musée de l'homme, il traversait la Seine pour être ethnologue. Et ça, c'est une figure qui est constante tant dans son approche des objets de connaissance que dans sa tentative de les dépasser à travers une écriture qui, à la fois, s'est dotée de règles extrêmes de vérité au départ, et qui, au fil du temps, les a lâchées prise. Il s'est livré totalement à ce qu'il appelait le tangage du langage. Et cette alternance entre la retenue qui renvoie à l'objectivité et le lâcher-prise qui renvoie à la subjectivité est au principe structurant de ce puzzle. Et je crois qu'il serait intéressant d'en tenir compte, parce que sinon on aurait une vision un peu, je dirais, collège de sociologie, ou un peu trop forcée dans le sens du sacré comme valeur en soi, je dirais presque à l'allemand, à la Hutu, alors qu'on est face à un système qui est beaucoup plus complexe, et dont on peut reconnaître les dimensions que en relisant la lecture, enfin en relisant l'œuvre littéraire, proprement littéraire. Voilà, c'est simplement on est face à un cas particulier. Il y aurait des choses à dire, parce que tous ces anthropologues des années 30 ont tous des ambitions littéraires, hein, quand même pas oublier ça non plus. Hein. Ils écrivent tous des... Bon, Léris, c'est un cas. Effectivement, c'est un poète. Et en plus, Léris n'écrit pas de roman, hein, il fait de l'autobiographie littéraire. Mais en forme littéraire, ses souvenirs et ses pulsions. Mais en revanche, des gens comme Griol, hein, écrivent de l'anthropologie, et puis en même temps, ils écrivent des romans. Et ils ont tous presque cette pulsion littéraire dans les années, à cette époque-là. Et ils ont quasiment deux œuvres parallèles. Est-ce qu'on peut dire que de façon générale, il y a à cette génération une espèce d'habitus littéraire de l'écriture des sciences humaines et sociales? C'est-à-dire que tu peux prendre des grands textes d'historiens contemporains, c'est très écrit. Alors je ne dis pas que ça se pique forcément pour eux. Littérature, il y a une espèce de moule qui est probablement d'abord celui de la formation. Hein. Dans le cas d'Iris, non, c'est un peu spécifique, parce que c'est quelque chose d'assumé, d'assumé jusque dans l'ambivalence. Mais le livre de Vincent Debanne, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est porte sur, exactement là-dessus, sur cette double ambition littéraire et romanesque, hein, et est un côté scientifique et anthropologique. Et Léris, c'est un modèle pour Balandier. Oui, c'est, Balandier fait ouais. des choses. Mais est-ce Balandier écrit un roman en 1945 ou 1946. Plus tard, c'était après-guerre. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est perçu comme étant distinct ou est-ce, que la, ou est-ce que l'écriture fait partie aussi de l'œuvre ethnologique? Non. Non, c'est-à-dire c'est distinct au sens où il n'y a pas de fiction en principe dans la ethnologie. Non, ça sûr. Peut être écrit avec un sifflerie, si tu veux, mais il n'y a pas de fiction. Quand ils font de la fiction, ils font des choses qui, sont, qui se présentent comme telles. Parce que quand tu parles de littérature, bon, tu fais allusion à la fiction, à la poésie, mais pas nécessairement à la dimension stylistique. Enfin, c'est-à-dire c'est à la, parce que là, dans le cas de Léris, c'est plutôt de la poétique au sens ça, de ouais, c'est Genève. Pour ça. Donc il s'agit. C'est pour ça que je ne pensais pas à la fiction. Fiction. C'est pour ça que je ne pensais pas, pensais pas à la fiction, mais plutôt à la question stylistique. Enfin, à la volonté justement d'écrire. Et c'est plutôt un rapport à soi et au réel qui se joue à travers l'écriture. La même chose que ce qui se jouait lorsqu'il était en Afrique, dans les rites de procession, avec des. Il y a des scènes extraordinaires sur le passage à l'acte ou pas, avec les possédés et eux. Donc il était amoureux d'une certaine. Mawaïch. C'est Mawaïch. Donc tout ça. Et déjà un prolégomène à la littérature d'après. Oui, c'est ça. Non, puisque tu disais tout à l'heure au départ, à savoir cette attention aux mots pour qualifier le sacré, comme tu dis. Enfin, là, il y a tout un lexique. C'est ça. Poétique, au fond. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, la poésie, la littérature, peut-être, sont déjà une manière de couler vers du romanesque, peut-être. En tout cas, ces textes, c'est un mélange assez inextricable de poésie, confession, souvenir personnel, commentaire sociologique avec le sang. C'est inextricable. Oui, mais en même temps, c'est toujours des tentatives qui ne réussissent pas chez Léris. Par exemple, il a eu l'idée, après le collège de sociologie, de faire une endographie de soi. Échec. C'est-à-dire que c'est des bribes qui restent en l'air. Et elles sont rattrapées par sa vocation, enfin, c'est un peu la démonstration qu'on peut faire, par la vocation d'écrivain, qui est une manière de déplacer la question, toujours, dans le langage. Et c'est là où il y a ce côté ambivalent, quoi. C'est-à-dire il y a à la fois la tentative de passer à l'acte, et puis l'échec face à la difficulté à faire l'ethnographie de soi, pour diverses raisons. Et ceci est transcrit dans son écriture autobiographique. On peut retracer tous ces mouvements d'aller et retour. C'est en cela que, bon, on est loin des tentatives fictionnelles de ces émules. Il y a quelque chose de tout à fait particulier. Oui. Alors d'où me semble-t-il la difficulté pour notice, dictionnaire interreligieux. Et donc là, il faut prendre en considération tout ce qui a été dit. Là, je pense effectivement, là, il faut. Je vous ai compris l'ambivalence. Il faut rassembler la gerbe de vos trois de vos trois prises de parole, parce que là, c'est à la fois très très très divers et très complémentaire en même temps. C'est indispensable de tout. Tout à fait. Donc là, c'est indispensable parce que si on prend simplement la première dimension. On est dans une configuration, je vais dire, relativement classique de ce que l'on connaît de la sacralité de cette génération-là, qui a été formalisée plus par Caillois. En revanche, c'est vrai, mettre toutes ces efflorescences-là en rapport avec cette espèce de division des registres chez Léris, c'est essentiel. Puisque tu disais à l'instant. Puisque tu disais la nécessité, effectivement, des deux registres pour qu'ils fonctionnent. Ce qui est terrible avec Léris, c'est que jamais on peut dire aux étudiants de faire comme lui. De faire comme lui. Si on dit ça, c'est du suicide à tous les coups, là. Je veux dire, suicide académique pour l'étudiant. S'il nous fait une thèse si un étudiant fait une thèse comme l'Afrique fantôme, c'est casse-pipe à tous les coups. Hein. Le contexte académique n'était pas exactement celui-là, parce que j'allais dire, je suis pas sûr qu'on supporterait encore beaucoup aujourd'hui au CNRS des carrières scientifiques comme celle-là. Après 5 ans, il a fait quoi? Il a dit quoi dans ses rapports? Il a mis ses textes sur l'art africain, surtout. Hein. Parce qu'il avait signé des écritures là. C'est des écritures là. Tout ça. Alors, en fait, les deux textes, les deux. C'est assez intéressant. Les œuvres complètes, c'est pas les œuvres complètes, mais ça s'en rapproche, de Léris, ont été publiées d'un côté en Pléiade. C'est la littérature, et l'âge qui s'appelle l'âge de. la règle du jeu, avec ces différents textes autobiographiques. Et puis d'un autre côté, c'est Miroir de l'Afrique, c'est tous ces textes d'anthropologie. L'Afrique fantôme, la possession, tous ces textes de. Il y a des textes militants, des issos. Il y a des textes. Les textes militants, je ne sais pas, ils sont pas dans l'Afrique fantôme. Enfin, je veux dire, ils sont pas dans la. Non, oui, non, mais les textes militants, ils sont pas. Ils sont pas si nombreux que ça. Hein. Ce sont des textes. Ils sont plutôt des débuts ou de la. Il y a des textes polémiques très, très violents dans les années 20, 25, 30. Sur la question du colonialisme Entre autres choses, mais c'est des textes où il vomit toutes les institutions, l'Église, l'armée, l'État, ce que vous voulez. Et puis ensuite, il y a des textes anticolonialistes dans les années. Fin des années 50, début 60. Il a signé le manifeste des 121, il a eu un blâme hein, administratif. Il a failli être viré du CNRS, mais il est resté. Il a finalement été promu directeur de recherche en 68. Au moment de prendre sa retraite. Quasiment, oui. Ouais, ouais. Un peu de temps. Il y a quelques semaines, je crois. Et je ne sais plus, il a quel âge, 70 ans. Il est né en 1901, donc il prend sa retraite en 68-70. Éclairez-moi un peu sur ce qu'on est en train de faire là. C'est une suite du dictionnaire pour mise en ligne. Mise en ligne et la seconde édition papier. Ah donc il doit y avoir une seconde édition papier. Alors il y a deux choses, oui, parce que on en a parlé avant qu'il arrive. Oui. Bon, d'abord cette séance teste la possibilité d'introduire des notices, oui. Notamment une notice Léris et une notice oui. De Heuch. Et dans un premier temps, c'est une notice qui sera une notice en ligne, jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de nouvelles notices ou d'ajouts à des notices existantes pour envisager une deuxième édition, édition enrichie du dictionnaire dans une version papier. Et auquel cas, donc, on y injectera toutes les nouvelles notices qui seront venues, qui auront été proposées dans le cadre de ce séminaire et après la publication de la version initiale. Mais actuellement, vous avez déjà mis des textes en ligne? Il y a des textes prêts, mais il n'y a rien en ligne. Ils ne sont pas encore en ligne, mais ça va démarrer en septembre. D'accord. Alors justement, à ce propos-là, ce qui peut être intéressant quand même, c'est de mettre ça en relation avec ce qu'on a fait sur Sacré. Que donc, il y a l'entrée sacrée profane, et on a refait trois textes à la suite d'une séance, là, qui a eu ici l'an dernier. On a fait trois textes sur Sacré. Et donc, le lien avec les rites, en tout cas, ce que tu as dit, existe. Hein. Ah oui, existe, et on pourra le formaliser. Oui, puisqu'on va fonctionner comme on l'avait fait lors de la version papier initiale, c'est-à-dire avec des renvois, des corrélats, qui permettent de circuler d'une notice à l'autre, que ce soit les notices existantes ou celles qui sont en voie de s'être ajoutées. Voilà. Bon, donc, si vous en êtes d'accord, ce qu'on peut vous proposer, c'est que vous essayez de vous mettre ensemble pour fabriquer une notice Léris qui rassemble les trois approches que vous nous avez proposées aujourd'hui. Ça serait une bonne chose. Alors, vu la richesse et la diversité des choses, on peut imaginer un petit débordement par rapport aux 10 000 signes dont je parlais initialement, parce que vous risquez de vous trouver un petit peu à l'étroit, mais enfin, c'est quand même en gardant ce format en une demi-heure, malgré tout. Est-ce que ça vous semble jouable? Surtout Michael, le maître d'œuvre. Enfin, moi, j'ai un texte que facilement préparé avec Erwin, puisqu'on a travaillé ensemble. Je peux le soumettre à Pierre. Il apportera ça. Oui. Une fois que les trois apports auront été faits, peut-être qu'on va faire circuler pour lisser, pour essayer de voir s'il y a des enchaînements, éventuellement des refontes. Mais de toute façon, là, je dirais la partie littéraire que j'évoquais à peine, elle ne peut être qu'à la marge de cette notice. Elle ne peut pas être évacuée. Mentionner cette structure en ambivalence, ça me paraît très important. Mais je pense que les quelques phrases que tu as dites sont très importantes et elles se suffisent elles-mêmes, je pense, parce qu'elles marquent bien. Enfin, ça permet de faire un lien aussi entre ce que... Alors, sur cet aspect des puzzles, des graphies, là, dans Gradiva, il y a un article que j'ai publié à la fin des années 90. Sur précisément ce sujet-là, les renvois entre l'écrivain et le... À propos de l'Héris, oui, de l'Héris. De l'Héris. Tu peux me l'envoyer, oui. Il faudra songer à le mettre dans la bibliographie à ce moment-là. Il faudra que tu le mentionnes. Tout ce qui pourrait être. Ah oui, je vois ici un chapitre sur l'Héris. C'est pas le même. Et c'est une reprise de ce travail. Okay. Bon, mais écoutez, on va passer à De Heuge, peut-être, parce que. L'horloge tourne, oui, alors, le temps est immobile, mais l'horloge tourne. Alors, il y a un effet de perspective, puisqu'on avait fait. Vous avez proposé de faire l'Héris et De Heuche dans la même séance, et du même coup. J'ai lu Luc De Heuche avec des lunettes l'hérissiennes, et c'est assez étonnant de voir. Tort ou à raison, hein, c'est, encore une fois, c'est certainement un effet de perspective, mais qu'ils ont quelque chose dans la trajectoire d'assez homologique. Je vais m'expliquer. D'une certaine façon, Lévi-Strauss est à Luc De Heuche ce que Durkheim était à l'Héris, et plus loin, il y a chez Luc De Heuche toute une dimension esthétique. Alors, c'est pas du tout la poésie, mais c'est le cinéma et la peinture. Puisque Luc De Heuche, c'était pas un poète ni un romancier, mais c'est un cinéaste, expérimental dans les années 50, cinéaste expérimental du groupe Cobra. Alors, c'est pas le surréalisme, mais c'est Cobra, c'est-à-dire un groupe à la fois. Enfin, surtout un groupe d'écrivains, de peintres, hein, je veux dire. Cobra, c'est Alechinsky, ça veut dire Copenhague, Bruxelles. Amsterdam. Non. Amsterdam. Amsterdam. Oui. Ça, Amsterdam. Donc c'est un groupe qui se veut aussi révolutionnaire à sa façon, avec une esthétique. Radical, hein. Travaille beaucoup sur les matières, c'est de l'art très explosif, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais enfin pas du tout, qui n'a rien à voir avec les formes classiques qu'on trouve encore chez les surréalistes, comme chez Dali par exemple, qui a malgré tout une formation classique. Là chez Cobra, ça fait exploser tout ça. Il y a une dimension politique, ça je dis ça pour Miguel, hein, parce que le groupe Cobra était tout à fait révolutionnaire. Hein. Ils ont été. Son nom m'échappe maintenant, pourtant j'ai vu une grande rétrospective à Copenhague, à Aarhus, pour être précis, l'année dernière. Ils étaient très proches de la révolution castriste, à la fin des années 50. Alors Luc De Heuche là-dedans a été le cinéaste il était très jeune, hein, puisqu'il est en 27 et donc il a 25-30 ans et il est le seul membre du groupe Cobra à être cinéaste. Il fait un film qui s'appelle Perséphone, hein. Entendu, ça a aussi un intérêt parce que ça rapproche de la mythologie. Il a continué ensuite une carrière. Il a continué à être un ethnographe visuel, hein, c'est-à-dire qu'il a fait des films anthropologiques qui ne sont pas du tout des films de fiction, mais il a conservé le support cinématographique. C'est pas la chose de son œuvre qui est la plus célèbre, mais il y a une drôle de relation, enfin, il y a une, Il y a une relation à l'esthétique tout à fait originale de Luc de Heuch. Il a aussi écrit des textes sur la peinture belge, qui sont tout à fait intéressants. Léris écrivait sur l'art, mais Luc de Heuch aussi a écrit des choses sur l'art belge. Les Belges, les surréalistes ou pas Oui, Ansor, par exemple. Ouais, il a écrit un texte pour un catalogue sur James Ansor, entre autres choses. Hein, il a écrit d'autres. Mais c'est un Lévi-Straussien. C'est-à-dire que Luc de Heuch, c'est un anthropologue dont l'armature conceptuelle vient de Lévi-Strauss, sans aucun doute, et vient en particulier de l'anthropologie des mythes de Lévi-Strauss, dont il s'inspire pour travailler sur une toute autre ère culturelle, c'est-à-dire l'ère de l'Afrique centrale, l'ère bantoue, pour être précis, c'est-à-dire zone culturelle qui va à peu près du Cameroun jusqu'à l'Afrique du Sud, hein, du nord au sud. Et donc, il a abordé la question religieuse de deux façons. D'abord en tant que grand spécialiste des cultures bantoues, et c'est la question du rapport entre religion et politique qu'il a intéressé. C'est un véritable ethnographe, hein, c'est pas contenté de passer 3 mois chez les Caduvéo comme Lévi-Strauss, il y a vraiment une enquête très très longue de terrain en Afrique centrale, hein, dans le bassin du fleuve Congo, et aussi au Rwanda. Donc c'est un ethnographe de terrain, au temps de la colonisation, dans les années 50, hein, la colonisation belge. C'est donc quelqu'un qui est tout à fait associé au mode, enfin, à la présence occidentale en Afrique et à la colonisation. Alors, c'est une anthropologie de l'Afrique centrale, lévi-straussienne, sans aucun doute, mais avec quelque chose de tout à fait original par rapport à Lévi-Strauss, puisque c'est pas non plus un clone de Lévi-Strauss en Afrique. Luc de Heuch est un anthropologue politique, hein, et c'est un historien, c'est-à-dire qu'il injecte dans le structuralisme la question du pouvoir et de son rapport à la politique, enfin, le rapport du pouvoir à la religion, et travaille sur cette combinaison très originale du pouvoir politique et du sacré en Afrique centrale. Et puis, il y a une seconde approche dont je vais vous parler de la religion dans l'œuvre de Heuch. C'est une approche qui excède tout à fait non seulement l'ère culturelle bantoue, mais même l'africanisme. C'est une approche d'anthropologie générale, au plus haut niveau théorique, et qui se propose de faire une théorie globale de la relation spirituelle. À ce moment-là, la focale est évidemment bien plus large, bien sûr. Luc de Heuch se sert de ses matériaux africains, mais il lit aussi beaucoup, cite, compare. Il y a vraiment une ambition qui excède l'africanisme. Tout à fait manifeste. Alors là, on trouve des textes sur le sacrifice, sur le chamanisme, sur la possession, sur la sorcellerie, sur le mysticisme chrétien. Et même sur l'amour fou, référence surréaliste, sachant que Léris et Luc de Heuch se sont croisés à de nombreuses reprises. Luc de Heuch cite souvent Léris. Bon, il y a un écart d'âge, évidemment, il y a 20 ans entre eux, hein, mais ils se sont fréquentés, en tout cas, souvent rencontrés. Bon, alors en premier lieu, l'apport de Luc de Heuch à l'anthropologie africaniste, l'anthropologie de la religion d'Afrique, c'est une anthropologie structuraliste, je vous l'ai dit, qui s'inspire de l'analyse des transformations des mythes amérindiens conduites par Lévi-Strauss dans les mythologies, qui vient dans les années 60, qui s'en inspire pour étudier les mythes bantous. Trois volumes publiés entre 72 et 2000, dont le modèle est évidemment la mythologique, dont le sous-titre est Mythes et rites bantous 1, Mythes et rites bantous 2 et 3. Avec des... Le roi ivre ou l'origine de l'État, roi né d'un cœur de vache, le roi du Congo, les monstres sacrés. Donc c'est pas... c'est pas une quadrilogie, c'est une trilogie, mais enfin, on voit bien quel est le modèle qui se trouve derrière cette trilogie. En 71, il y a un manifeste tout à fait explicite pour une approche structuraliste de la pensée magico-religieuse bantoue, avec une proposition assez intéressante qui consiste à étudier la religion comme on a étudié la parenté. On voit ce sens sur Lévi-Strauss, bien sûr. C'est-à-dire que Ludeux, je propose de repenser la distinction entre magie et religion sur le mode des relations différentielles de parenté. C'est-à-dire qu'il y a des positions dans la parenté qui suscitent le respect, d'autres qui suscitent la plaisanterie ou la familiarité. Exactement comme, selon lui, la magie et la religion suscitent des relations de familiarité ou de respect vis-à-vis des esprits. La familiarité est de l'ordre de la magie. Esprits, la familiarité avec les esprits, eh bien, implique des pratiques magiques. Par exemple, la manipulation des puissances spirituelles à des fins concrètes, hein, ça c'est vrai ce que c'est que les pratiques magiques, mais elles ne sont possibles que lorsque on entretient avec ces esprits une sorte de commerce d'égal à égal. Et puis, d'un autre côté, il y a un type de relation qui se caractérise par la distance et le respect, et qui est de nature religieuse, exactement comme on a, vis-à-vis de certaines positions dans la parenté, du respect, une relation de soumission de soumission à l'autorité. Alors, ça pourrait sembler trivial ou banal, mais ce sur quoi insiste Luc Deuge, c'est que à partir de ce type de modèle, hein, il ne s'agit pas de construire une vague philosophie bantoue. Vous savez qu'il y a eu cette philosophie bantoue avec une missiologie sur la philosophie bantoue, inspirée par le christianisme. Il s'agit d'étudier dans l'ère culturelle bantoue les variations de la relation spirituelle, qui n'est pas toujours de type familière ou de type respectueuse. Et tout ça compose un système de transformation selon lui. Donc il faut montrer les différences entre peuples voisins qui peuvent être conçues comme des transformations. Alors transformation de la parenté, bon ça c'est tout à fait encore du côté structuraliste, transformation du rapport aux entités spirituelles. Et en mettant en relation ces types de relations spirituelles avec la structure sociale. Bon, par exemple, dans l'un de ses derniers ouvrages, en l'occurrence, un ouvrage qui s'appelle Du pouvoir, Luc Deuche travaille il reprend son dossier des années 50, son ethnographie des années 50, et il montre que il y a dans cette région une institution initiatique qu'on appelle les maîtres de la forêt. Et ces maîtres de la forêt, c'est une sorte de société d'initiation, oui, secrète, hein, eh bien, chez les gens du sud-ouest de cette cuvette, cette institution a une dimension magico-religieuse très forte, alors que chez les tétélés en bas, pardon, eh bien, elle est dénuée tout d'élément magico-religieux. Donc on a une même institution qui soit a une connotation religieuse, soit n'en a pas. Et cela s'explique par la structure sociale de des peuples qui ont adopté cette société initiatique. Et selon Luc Deuche, il y a un processus de désacralisation entre ceux qui ont on va dire, des maîtres de la forêt de nature mystique, et les tétés là en bas qui n'ont conservé que l'association laïque, on va dire. Selon lui, le passage, l'adoption par les tétés là en bas de cette société initiatique mystique, c'est accompagné d'une désacralisation. Parce que la structure sociale des tétés là en bas ne peut pas accepter une confusion du pouvoir politique et religieux. Alors ça, c'est une thématique sur laquelle il a beaucoup travaillé. Chez ces tétés là en bas, le pouvoir s'acquiert par le potlatch, il ne s'acquiert pas par la relation spirituelle. Du même coup, quand on est dans cette société initiatique, eh bien, on n'acquiert pas, on a fait partie d'un groupe de redistribution, mais on n'a pas de relation particulière avec des esprits. Donc le passage d'une même institution qui est une institution politico-religieuse dans un groupe ethnique à cette même institution dans un autre groupe ethnique qui est fondé sur le potlatch, hein, sur le pouvoir par redistribution, s'accompagne d'une désacralisation. De perte de la dimension mystique de ce type d'association initiatique. Chez des gens qui, par ailleurs, sont très, on parle des langues très proches, et les tétés là en bas, d'ailleurs, on parle de tétés là en bas, en fait, il s'agit de deux groupes qui sont assez distincts du point de vue de l'organisation politique, mais qui parlent la même langue, qui sont des espèces de cousins. Donc, il s'agit de comparaisons très fines, très savantes, hein, entre. Des groupes qui sont voisins, qui partagent une même civilisation bantou, mais dans lesquelles on peut identifier des transformations aussi bien de nature politique que de nature religieuse. Et en particulier ce processus de désacralisation qui n'est pas du tout lié, selon les deux, à la modernité. Ça n'a absolument rien à voir avec la colonisation. C'est un mouvement. C'est lié au type d'organisation sociale chez les tétés là en bas qui exclut la royauté sacrée, pour dire les choses. Chez ces tétés là en bas, on devient, par le potlatch, on devient big man. Donc c'est comme ça qu'on devient. Mais c'est totalement dénué de toute dimension mystique. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est encore une fois une ethnographie très fine et très intéressante. On s'y perd un peu parce que c'est vraiment au scalpel, hein, de temps en temps. Mais c'est très remarquable. Tout ça pour vous dire que c'est pas Luc Deutsch qui passe souvent pour une sorte de théoricien un peu. Désinvolte est aussi un ethnographe de première classe. Alors, ces tétés là en bas qui font l'objet d'un de ces livres, on comprend qu'ils aient retenu l'attention du Deutsch parce que, en fait, c'est un contrepoint de ce à quoi qu'il a dédié l'essentiel de son œuvre, c'est-à-dire la royauté sacrée. Il n'y a pas de royauté sacrée chez les tétés là en bas, donc c'est pour ça qu'il s'y intéressait. Mais il y en a, en revanche, ailleurs, chez les Bantous et même en Afrique de l'Ouest. Chez les tétés là en bas, c'est des big men, hein, c'est du potlatch, il n'y a pas de royauté sacrée. Et puis, en revanche, ailleurs, chez les Bantous, il y a de la royauté sacrée. Et c'est vraiment le cœur de son travail. Alors vous allez me dire, mais tout ça, qu'est-ce que c'est que ça, la royauté sacrée? Mais ça n'a rien à voir avec Lévi-Strauss. Bah, effectivement, ça n'a rien à voir avec Lévi-Strauss. Mais ça a beaucoup à voir avec Fraser. Et effectivement, Luc de Heuch, avec Jean-Claude Muller, avec Cartry, avec le groupe d'Africanistes de système de pensée en Afrique noire, ont fait une réévaluation, une relecture, et ils se sont réappropriés Fraser pour faire une anthropologie politique de l'Afrique, anthropologie politique et religieuse de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez Fraser? Eh bien, une définition de la royauté sacrée, non seulement de la royauté sacrée, mais de la royauté sacrée qui conduit au régicide. Il y a non seulement des souverains qui sont des souverains parce qu'ils ont des pouvoirs sur la nature qui leur viennent de la surnature et qui les rendent différents des autres hommes, les mettent à part, mais en plus, cette institution de la royauté sacrée, encore une fois qu'on ne trouve pas chez les tétés là en bas, eh bien, elle conduit nécessairement au régicide, c'est-à-dire au sacrifice du roi. Ce qu'avait parfaitement bien vu Fraser, selon Luc de Heuch, Jean-Claude Muller et différents africanistes français des années 70. Ils ont effectué ce retour à Fraser dans les années 70. Lorsque le roi est doté de pouvoirs exceptionnels sur la nature et sur la société, on le conçoit comme le garant de la fertilité, aussi bien des hommes que de la nature, et c'est une sorte de monstre. C'est-à-dire que le roi n'est pas comme le commun des mortels. C'est un dangereux personnage qu'il faut mettre à part parce que il est dangereux et puis il a des pouvoirs qui s'apparentent à la sorcellerie, donc des pouvoirs de mort. Il n'est pas soumis au tabou de l'inceste. Il peut tuer, etc., etc. Donc tout un ensemble d'éléments qui le mettent à part, qui le mettent à part de la société, à part de l'humanité, mais en même temps qui en font le garant de la fertilité, de l'ordre du monde, donc un ensemble d'attributions typiques de la royauté sacrée. Alors, cette institution de la royauté sacrée, on la trouve dans très nombreuses sociétés africaines, qui pratiquent ou qui ont pratiqué le régicide. Pourquoi ? Parce que lorsque les forces du roi déclinent, puisque on a beau dire que c'est pas un être humain, c'est quand même un être humain qui vieillit, qui va mourir ou qui est malade, eh bien à ce moment-là, on se débarrasse de lui. On se débarrasse de lui puisqu'il peut plus, il ne symbolise plus, il n'a plus les pouvoirs qu'on lui prête et qui sont des pouvoirs de régénérescence naturelle et sociale. Alors, ce thème du régicide, on le trouve, c'est parfois une institution qui a fonctionné jusqu'à la colonisation, qui a ensuite été abolie, mais il hante toute la mythologie bantoue. Donc, les deux examinent toutes les variations sur ce thème du régicide dans toute la mythologie bantoue. Le sacrifice du roi, écrit Deutsch, loin de mettre fin à la royauté, régénère perpétuellement son efficacité. Bon, alors, c'est le dossier bantou est tout à fait monumental, c'est une sorte d'encyclopédie bantou, des mythes et rites bantou, hein, qu'a rédigé, construit Deutsch. Hein. Ce serait déjà très, très intéressant. J'ajoute qu'il est quand même un des rares à être très critique, même s'il a participé en tant qu'anthropologue, enfin en tout cas il en a bénéficié, très critique de la colonisation belge, hein. Il est très... c'est pas du tout un anthropologue institutionnel, il n'était pas non plus au service de la couronne belge, hein. Il était, comme l'Iris d'ailleurs, ils ont fait partie et ils ont contribué à l'entreprise coloniale. L'Iris était l'expédition Dakar Djibouti, c'était une entreprise coloniale, hein, votée par une loi au Parlement. Hein, je parle de l'expédition Dakar Djibouti. Il y a des textes très politiques de Luc de Heuch qui sont très critiques, qui vont beaucoup plus loin que tout ce que Lévi-Strauss a pu écrire sur le sujet. Il y a une... Pourquoi l'épouser ? Il y a un texte sur une sorte d'apologie de Patrice Lumumba. Et puis, dans ce dernier texte qui s'appelle Du pouvoir, publié en 2002, toute la première partie du volume est consacrée à les effets de la colonisation belge sur le déplacement des institutions initiatiques dans la cuvette Donc c'est une anthropologie historique, contrairement à l'anthropologie lévi-straussienne. Donc qui prend en compte le politique, qui prend en compte la colonisation, et qui en fait l'histoire très précise sur la question dans la zone du bassin du Congo. Bon, alors ça serait déjà très bien, mais Luc Deutsch est aussi un anthropologue plus généraliste, avec des propositions intéressantes, qui a une ambition théorique qui va au-delà de cette ère culturelle. Alors, pour ce qui est de l'anthropologie religieuse, son texte, le texte vraiment fondateur, celui qui est probablement le plus cité, c'est ce texte sur le chamanisme et la possession, publié en 71, Il s'agit d'une analyse contrastive des religions extatiques, ce que Luc II propose de qualifier de religion extatique. Et selon lui, chamanisme et possession appartiennent à la catégorie religion extatique, mais de façon antinomique. Ce sont des techniques du corps, des altérations des états de conscience, mais qui sont organisées de façon diamétralement opposée. On a d'un côté le chamanisme, de l'autre côté la possession. Alors le chamanisme, on le trouve dans l'ère asiatique et amérindienne, alors que la possession est surtout présente en Afrique et dans ses extensions afro-américaines. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que le chamanisme ? Eh bien, le chamanisme se caractérise par le caractère actif du guérisseur, du chaman, qui vole au secours de l'âme du malade dans le monde des esprits. Alors ça, c'est un premier type de chamanisme. C'est le chamanisme de type A, on va dire. Qui est fondé sur le caractère héroïque du chaman, hein, qui va récupérer une partie de la substance du patient pour qui lui a été subtilisé, qui la rapporte pour remettre le patient en état. Et donc c'est fondé sur une sorte d'adorcisme. Le malade doit, grâce au chaman, retrouver une âme perdue qui a été volée par des esprits mauvais. Alors il y a un deuxième type de chamanisme qui est cette fois fondé sur l'exorcisme. Le chaman cherche à expulser du corps du patient un élément malin qui l'occupe indûment. Une sorte d'invasion du corps du patient par une puissance spirituelle extérieure qui lui nuit. Donc le chaman entre dans le corps du patient pour en extraire cette puissance nuisible. Donc c'est une forme d'exorcisme, il s'agit d'expulsion. Et dans les deux cas, le chaman joue un rôle central en ce qu'il est, il est l'agent héroïque, actif, de ce combat. Il s'agit d'une lutte. La possession présente une structure inverse, selon Luc II, c'est une descente des dieux, une incarnation. Je cite Luc II. Alors ici aussi, il y a deux types de possession. Car la possession peut être maléfique, ressentie comme pathologique, auquel cas il faut aussi procéder à l'exorcisme. Ou alors elle peut être authentique, c'est-à-dire une épiphanie, une possession positive. La différence entre cette possession pathologique, entre la possession pathologique et le chamanisme de type B dans lequel il y a exorcisme, c'est que dans la possession pathologique, dans laquelle donc on est possédé sans le vouloir, mais en ne le voulant pas, eh bien, c'est pas simplement une part du corps du patient qui est occupé, mais c'est l'intégralité de son corps et de son esprit qui sont colonisés par une puissance étrangère. Donc, la possession, on pourrait dire, c'est la possession pathologique, c'est un chamanisme de type B radical, à la limite, qui passe à la limite. C'est-à-dire une invasion totale, complète, une occupation totale du corps du patient par une puissance étrangère. Voilà ce que c'est que la possession dite pathologique ou inauthentique. C'est le terme utilisé aussi par Luc II. Alors, la possession authentique, eh bien, dans la possession authentique, l'initié apprend à être possédé. Il peut y avoir une possession sauvage dans un premier cas, mais toute l'initiation consiste en une sorte de maîtrise de la possession par le patient, et c'est ce qu'on trouve dans de nombreuses religions africaines ou afro-américaines. Certes, la possession reste passive, c'est-à-dire qu'en aucun cas le possédé n'est un héros combattant. Ça n'est jamais ça. Mais la possession est appelée des vœux du groupe, et c'est le groupe qui contrôle la possession et qui contrôle la descente des dieux. C'est-à-dire que dans cette possession authentique, les dieux descendent, celui qui est possédé perd conscience, et c'est un esprit qui prend contrôle de son corps, mais autour de lui, eh bien, on a un groupe qui joue d'une certaine façon le rôle du chaman dans le chamanisme. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'activité qui est prise en charge, d'activité et de contrôle qui est prise en charge par la collectivité. Donc il y a une organisation active de la possession par la collectivité. Donc la possession n'est pas un phénomène purement subi ou purement passif. Alors vous voyez qu'il y a ces quatre types, eh bien on peut les constituer en système, puisque aussi bien du côté du chamanisme que de la possession, il y a adorcisme ou exorcisme. On a du chamanisme avec de l'adorcisme ou de l'exorcisme, et on a de la possession avec de l'adorcisme ou de l'exorcisme. La possession de type inauthentique se caractérise par l'exorcisme, il faut expulser les puissances occupantes, puissances spirituelles occupantes, et la possession de type authentique, religieuse on pourrait dire, eh bien c'est une forme d'adorcisme, c'est-à-dire qu'on appelle la descente des dieux, on appelle la possession. Est-ce qu'au début du moment de la possession, on sait à l'avance si ce sera positif ou négatif? C'est alors est-ce qu'il y a une forme de suspense? Non, mais après les deux, ces propositions étaient longuement discutées. Ce qui se passe souvent, c'est que la possession commence par être passive, puis ensuite elle est maîtrisée. Donc on est d'abord victime, donc on est dans une forme de possession authentique avant d'être avant d'arriver à un contrôle. Donc tout le problème de la pensée structuraliste, c'est que c'est une pensée de tableau. Parce que c'est une pensée qui fonctionne, c'est une pensée carrée dans un monde rond. Voilà ce que c'est que le problème du structuralisme. Alors, c'est Luc Deuge, dans cet article fameux de 64, je crois, construit un tableau avec quatre cases. Je vous signale que Descola fait la même chose en 2004. Hein. De ce point de vue-là, ça n'a pas changé. C'est une pensée qui fonctionne par double opposition. Voilà, le structuralisme, c'est toujours ça. Donc c'était déjà comme ça en 64, c'est comme ça 40 ans plus tard, et je pense que dans 40 ans il y aura encore des gens. Bon, ça n'empêche que il y a une puissance de formalisation schématique qui est remarquable là-dedans, bien sûr. Mais c'est statique. C'est statique. Donc il y a une construction d'un idéal type, hein, mais qui on ne sait pas si c'est un idéal type ou si c'est un modèle ou si ça correspond à des structures ontologiques, hein, comme souvent Lévi-Strauss le dit. Lévi-Strauss dit la réalité c'est la structure. Hein. Et chez Luc Deuge, on se demande. On ne sait pas non plus si c'est simplement un modèle d'intelligibilité ou si c'est ce qui est le soubassement du phénomène. Alors, ces réflexions qui ont fait beaucoup coup de l'encre, hein, sur chamanisme, possession, extase, là-dessus il y a Gilbert Rouget qui a écrit la musique. C'est ça, merci. Ça n'en venait plus. Dans une ligne tout à fait convergente, puis d'un autre côté, on a l'anthropologie dans la ligne de Bastide, de Métro, de Bertrand Hell, qui est une anthropologie dynamique, qui ne perçoit pas du tout la transe de la possession de cette façon. Mais Luc Deuge n'a pas fait que ça, mais dans toute son œuvre depuis 64, 71, et dans toutes ses, y compris dans ses textes sur les mythes et rites bantous, on trouve cette ligne d'analyse autour de des variations sur le thème des religions extatiques. Et l'un de ses derniers livres, qui date de 2006, eh bien, il s'intéresse au mysticisme chrétien, parce que vous pouvez voir que dans cette typologie, il ne parle pas de l'Europe. c'est chamanisme contre possession, il se garde bien de parler de l'Europe. C'est d'un côté les Amériques et l'Asie, et de l'autre côté l'Afrique. Hein, il ne se parle pas non plus de l'Australie, ce n'est pas ça. Enfin bon, peu importe. Donc ces réflexions, qui sont des réflexions précoces sur ce thème, elles courent tout le long de sa carrière, et à la fin de son œuvre, enfin à la fin de sa vie, il publie un livre qui s'intitule La transe et ses entours, fort beau titre, hein, La sorcellerie, l'amour fou, et Saint Jean de la Croix, etc. SIC, hein, c'est ETC. Hein. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, cette fois, il s'intéresse au mysticisme chrétien, conçu comme une étrange, c'est lui qui dit, hein, synthèse du chamanisme et de la possession. Déjà, vous voyez qu'il est un peu inquiet pour cette typologie. Mais il s'intéresse aussi à la sorcellerie en Europe, c'est-à-dire à la sorcellerie démoniaque. Hein. Alors, c'est tout à fait intéressant, puisque contrairement à l'idée habituelle qui assimile la sorcellerie européenne, les grandes crises de sorcellerie avec la possession, hein, les possédés d'un loudin, donc, chez les historiens, mais de façon beaucoup plus générale dans la théologie catholique, sorcellerie, c'est équivalent à possession, donc à exorcisme. La sorcellerie, possession, exorcisme, tout ça, ça fait système. C'est un système dans lequel on lutte contre le diable qui prend les corps, voilà, qui se saisit les corps. Hein. Eh bien, Luc de Heuch, ça c'est assez intéressant, il n'est pas le seul à le dire, je dirais aussi d'où ça lui vient, cette idée. Luc de Heuch, je pense qu'il y a eu en fait deux sortes de sorcellerie démoniaque en Europe. Il y a une sorcellerie qui se rapproche du chamanisme, et c'est celle du pacte avec le diable, qui est tout à fait différente. C'est un type de relation avec les démons qui est tout à fait différent de la possession. C'est le côté faustien. Donc celui qui pactise avec le diable, c'est pas un possédé, pas possédé par le diable. Il signe un pacte avec son sang qui lui apportera différentes choses, qui paiera très cher après, mais c'est tout à fait différent de la possession. Et puis historiquement, on a ensuite une sorcellerie par possession de type malheureux, donc inauthentique, non voulu, mais à ce moment-là, les possédés ne sont pas du tout des victimes du diable, ce sont des agents conscients. Excusez-moi, les victimes du diable ne sont pas les agents conscients ces victimes du diable sont possédées sans le vouloir. Elles n'ont rien fait pour ça. Hein, peuvent être persécutées par un diable sans pour autant avoir pactisé avec le diable. Et à ce moment-là, l'exorcisme est nécessaire, bien sûr. Mais il n'est d'aucune utilité pour combattre celui qui a pactisé avec le diable. Suppôt de Satan, qui a pactisé sur un mode chamanique avec le diable, eh bien, il n'a pas à être exorcisé. Il faut le juger, il est avéré à ce moment-là qu'il est bien, qu'il a bien pactisé. S'il est avéré qu'il a bien pactisé, il faut le monter sur le bûcher. Alors, ça vient de Carlo Ginzburg, en fait, hein, cette réintroduction du chamanisme de Ginzburg. Hein, oui, c'est... C'est pas grave. Mais je peux revenir. Non, c'était 17, c'était on termine là. Ah, vous terminez. Non, mais je vais fumer une cigarette. Voilà. Il y a des gens qui attendent moi. Je sais pas. Bah, il doit y avoir un cours après, parce que normalement. Parce que regarde. Donc Ginzburg dans le Sabbat des Lucioles, si j'ai bonne mémoire, cité d'ailleurs par Luc de Heuch, c'est pas. C'est pas du tout un emprunt pillé, hein, c'est pas du tout ça. Je me trompe pas de titre, j'ai un doute là. Les fromages et les vers, ou le Sam, non, il a écrit deux grands textes. Oui, c'est ça. Le fromage et les vers, c'est ça. Lui, il met la nanne, dit le Sam. Donc là, selon Ginsburg, le sabbat, c'est le chamanisme européen sous un autre nom. Voilà. Il est persécuté par le catholicisme. Et donc, les deux, je lis Ginsburg et il opérationnalise son système là-dessus. Voilà. Donc, c'est un personnage, c'est quelqu'un tout à fait intéressant, qui était un peu pas facile, hein. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais enfin, dans la discussion, dans le débat, c'était. Peut-être que Marion, toi, tu as eu des dialogues avec lui directement. J'ai écouté, mais je n'ai pas eu. Bon. Il avait un côté un peu cassant et peu dialogique, hein. Mais il y a des choses. C'est un des très grands anthropologues, non seulement africaniste, mais c'est vraiment un très grand nom de l'anthropologie, de l'anthropologie française et francophone, on va dire. C'est sans aucun doute un des grands, très très grands noms de cette. Et puis, en particulier, l'anthropologie structuraliste. Mais ça, il va au-delà. Enfin, je pense que c'est pas du Strauss. Je vais te poser une question. Oui. Je suis quand même intrigué par les cas de figure là du sorcellerie, de la sorcellerie chamaniste, parce que l'idée que les sorcières avaient un pacte avec le diable, etc., etc., c'était les discours des inquisiteurs. Ça ne correspondait à aucune pratique de la part de. Alors, justement, les deux discutent de ça. Et. Il revient là-dessus sur l'historiographie. Alors, il y a une historiographie qui dit que c'est une pure fiction. Il y a une histoire scientifique qui prend tous ces dossiers, le dossier de la possession de la sorcellerie, en disant que c'est une fiction, on persécute des gens qui sont des marginaux et qui n'ont absolument aucun rapport avec le diable. Mais certains historiens, que je n'ai pas en tête, considèrent qu'il y a des faits positifs. C'est-à-dire que la sorcellerie, le pacte avec le diable, c'est aussi un moyen de contre-hégémonique. Hein. C'est une réalité et qu'il y a bien des cérémonies de transgression délibérée. Qu'il y avait bien des associations de femmes ou de magiciens ou de sorciers qui se réunissaient pour des sabbats contre l'Église catholique. Tu vois que c'était pas une pure invention de l'Église ou des dominants de l'époque pour se débarrasser de gens de marginaux. Donc il y a une vraie question scientifique là-dessous. Bien, mais je suis pas capable de. Mais c'est sûr que terminé sa carrière avec cet essai de complètement déconstruire des objets qui ont été tellement construits dans des cadres culturels. Ce que je vous propose, parce que là on est obligé de partir, il y a des gens qui sont dehors. Si vous avez quelques minutes, on peut-être continuer au bistrot. Oui, certainement. Ah oui, c'est pas plaisir à changer.